Tant qu'est-ce qu'on est bien, une bonne bière à la main. À la soirée prétexte, je trouve le prétexte. Pas le temps d'attendre juin, la guitare à la main. T'arrêtes la galette, tu manges la raclette. Comme Patrick Sébastien, tu chantes ce refrain et tu tournes ta serviette. Tu vomis ta raclette à côté.